Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue de ce manuel qui, comme le précédent, se déroule dans le cadre de l'université de Médine qui est composée de plusieurs facultés ainsi que d'un établissement secondaire et d'un institut de langue arabe pour former les étudiants non arabophones. Dans les répliques suivantes de ce dialogue, Khalid demande donc à Mohammed de lui indiquer dans lequel de ses établissements il étudie. Aïna tadrus? Adrusu fi shu'bati al-lughati al-arabiyya. Dans cet échange, la question de Khalid est donc composée de deux termes. On trouve à son début le pronom interrogatif aïna, qui correspond en français à l'adverbe interrogatif ou, suivi du verbe tadrusu, conjugué à la deuxième personne du singulier masculin au temps de l'inaccompli, al-mudari', et qui signifie « tu étudies ». Comme dans la question « aïna taskun » que nous avons étudiée dans le cours numéro 13, la présence d'un verbe dans cette phrase rend la traduction mot à mot en français quasiment identique à son sens général. On peut donc en déduire que cette nouvelle question de Khalid signifie « où étudies-tu » et qu'on peut aussi formuler en français en disant « où est-ce que tu étudies ?» Pour rappel, le pronom personnel « anta » correspondant à « tu » en français n'est pas indiqué dans la question de Khalid car la forme conjuguée « tadrusu » indique à la fois qu'il s'agit du verbe « étudier » et de la deuxième personne du singulier masculin. D'autre part, ce verbe est ici conjugué au temps de l'inaccompli, appelé en arabe « al-mudari' » qu'on emploie pour décrire des actions qui ne sont pas terminées et qui se déroulent donc pendant ou après le moment où on s'exprime. On peut donc utiliser ce temps de conjugaison pour décrire des actions qui se produisent de façon régulière ou répétée, comme c'est le cas dans la question de Khalid, qui demande à Mohammed à quel endroit se déroulent ses études qui ne sont pas terminées au moment où la question est exprimée. En utilisant d'autres verbes conjugués au temps de l'inaccompli, vous pouvez réutiliser cette construction pour interroger sur le lieu des actions accomplies par votre interlocuteur lorsqu'elles sont récurrentes ou réalisé au moment où vous l'interrogez. Aïna taskun? Où habites-tu? Aïna ta'mal? Où est-ce que tu travailles? Aïna tadhhab? Où vas-tu? Aïna tal'ab? Où est-ce que tu joues? Voilà pour aujourd'hui. Ce 17e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, très prochainement avec le 18e mini-cours dans lequel nous nous intéresserons à la réponse de Mohammed concernant le lieu exact de ses études au sein de l'université de Médine. Wassalamu alaikum.